green money, green money, green money, green money. Money needs to share you the blood. Green money, green money, green money, green. For my money, man, you can share me for. Green money, green money. Money needs to share you the blood. Green money, green money, green money, green. For my money, man, you can share me for. Money, green money, share me for. Ma vie on sort la ville. Et un movie baby, appelle-moi crack, héroïne, l'homme de money money. Les nœuds sont sur moi comme les paparazzi sur Britney Spears. Et j'fuck comme ils brûlent tes jeans. J'te réserve une main lente et douloureuse MC. Maman me disait toujours smondi sans chef ni merci. Et alors j'ai mon fly, ma weed, ma money, my girl. Et une seringue, une bite à la place du cœur. Et tease me baby, kiss me baby. Sex me baby, et love me baby. Esclave je serai jamais moi si tu me vois sur les pas. C'est que ma marchandise arrive, je suis venu refourguer mon bas. Lyrical ecstasy, lyrical mignon. Lyrical cocaïne, compable au chilopium. Yeah, green again, blue magic. Crois-moi boy, I'm do my thing. Money needs to share you the blood. Green money, green money, green money, green. Green money, green money. Money needs to change you the blood. Green money, green money, green money, green. Draw my money, me have to be set me far. Green money, green money, set me far. Soit je prends du cash, moi man, soit je crève. On s'acharne à monter et vivement briser mes rêves. La jalousie me traque comme les chasseurs traquent le lièvre. Longue est la chute quand ton frère est un traître. Quand l'ennemi n'est pas taille, qui pourra me dire au fuck j'aille. Qui pourra me dire ce que j'ai à faire, ce son sème ou ce mitraille. Je rappe la corde au cou, négo je connais les deux. Les mauvais plans, les soins ou tout, tout part en coup. J'ai le cœur pris dans les barbelés de la haine. Vrai jusqu'à mon dernier pitch, même si mon arme cède. Si bien t'es plutôt halal, moi plutôt club madame. Ma façon les lyrics tombent, double fracture banale. Et la violence de nos déchets, mal le mal nous poursuit. Pourquoi même les pussy, parce que j'suis gangs de booty. J'ai pas de jour férié pour les rendre dingue, j'suis dingue. J'te redis boy, I'm do my thing. Money needs to share you the blood. Green money, green money, green money, green. Draw my money, me have to be set me free. Green money, green money. Money needs to share you the blood. Green money, green money, green money, green. Draw my money, me have to be set me free. Green money, green money, set me free. Yeah, baby. On a le ciel pour l'aimer. C'est pas toi le mec. Qu'est-ce que green money, green money, green money. Qui c'est de me faire. Il est de me faire. Yeah. Qui me casse. RW Nord c'est qui c'est de me faire. C'est qui c'est de me faire. C'est qui c'est de me faire. C'est qui c'est de me faire.